Sagi Charoufa, ma référence. Aucun mot. Avis de recherche. Boni oko bangage, boni oko lengage, dede. Yebisaya Filemon, Tulilia. Jinjimo, I am Missus Sinanga. Nazai Kona.